en Islande, chapitre 44. C'était le malheur qui les rendait égaux. Charles Nodier. C'en est donc fait. Tout va s'accomplir. Ou plutôt, tout est déjà accompli. Il a sauvé le père de celle qu'il aimait. Il l'a sauvée elle-même en lui conservant l'appui paternel. La noble conspiration du jeune homme pour la vie de Schumacher a réussi. Maintenant, le reste n'est rien. Il n'a plus qu'à mourir. Que ceux qui l'ont cru coupable ou insensé le jugent maintenant, ce généreux ordinaire, comme il se juge lui-même dans son âme avec un saint ravissement. Car ce fut toujours sa pensée, en entrant dans les rangs des rebelles, que, s'il ne pouvait empêcher l'exécution du crime de Schumacher, il pourrait du moins en empêcher le châtiment, en l'appelant sur sa propre tête. Hélas, s'était-il dit, sans doute Schumacher est coupable, mais, aigri par sa captivité et son malheur, son crime est pardonnable. Il ne veut que sa délivrance. Il l'attente même par la rébellion. D'ailleurs, que deviendra mon Ethel si on lui enlève son père? Si elle le perd par l'échafaud, si un nouvel opprobre vient flétrir sa vie, que deviendra-t-elle, sans soutien, sans secours, seule dans son cachot, ou errante dans un monde d'ennemis? Cette pensée l'avait déterminée à son sacrifice, et il s'y était préparé avec choix. Car le plus grand bonheur d'un être qui aime est d'immoler son existence. Je ne dis pas à l'existence, mais à un sourire, à une larme de l'être aimé. Il a donc été pris parmi les rebelles. Il a été traîné devant les juges qui devaient condamner Schumacher. Il a commis son généreux mensonge. Il a été condamné. Il va mourir d'une mort cruelle, d'un supplice ignominieux. Il va laisser une mémoire souillée. Mais que lui importe au noble jeune homme? Il a sauvé le père de son Ethel. Il est maintenant assis sur ses chaînes, dans un cachot humide, où la lumière et l'air ne pénètrent qu'à peine par de sombres soupiraux. Près de lui est la nourriture du reste de son existence, un pain noir, une cruche pleine d'eau. Un collier de fer pèse sur son cou. Des bracelets, des carcans de fer pressent ses mains et ses pieds. Chaque heure qui s'écoule lui emporte plus de vie qu'une année n'en enlève aux autres mortels. Il rêve délicieusement. Peut-être mon souvenir ne périra-t-il pas avec moi, du moins dans un des cœurs qui battent parmi les hommes. Peut-être daignera-t-elle me donner une larme pour mon sang. Peut-être consacrera-t-elle quelquefois un regret à celui qui lui a dévoué sa vie. Peut-être, dans ses rêveries virginales, aura-t-elle parfois présente la confuse image de son ami. Qui sait, d'ailleurs, ce qui est derrière la mort? Qui sait si les âmes délivrées de leur prison matérielle ne peuvent pas quelquefois revenir veiller sur les âmes qu'elles aiment, commercer mystérieusement avec ses douces compagnes encore captives, et leur apporter en secret quelques vertus des anges et quelques joies du ciel? Toutefois, des idées amères se mêlaient à ses consolantes méditations. La haine que Schumacher lui avait témoignée au moment même de son sacrifice oppressait son cœur. Le cri déchirant qu'il avait entendu en même temps que son arrêt de mort l'avait ébranlé profondément, car, seul dans l'auditoire, il avait reconnu cette voix et compris cette douleur. Et puis, ne la reverra-t-il donc plus, son Ethel? Ces derniers moments se passeront-ils dans la prison même qui la renferme, sans qu'il puisse encore une fois toucher la douce main, entendre la douce voix de celle pour qui il va mourir? Il abandonnait ainsi son âme à cette vague et triste rêverie qui est à la pensée ce que le sommeil est à la vie, quand le cri rauque des vieux verrous rouillés heurta rudement son oreille, déjà en quelque sorte attentive au concert de l'autre sphère où il allait s'envoler. C'était la lourde porte de fer de son cachot qui s'ouvrait en grondant sur ses gonds. Le jeune condamné se leva, tranquille et presque joyeux, car il pensa que c'était le bourreau qui venait le chercher, et il avait déjà dépouillé l'existence comme le manteau qu'il foulait à ses pieds. Il fut trompé dans son attente. Une figure blanche et svelte venait d'apparaître au seuil de son cachot, pareille à une vision lumineuse. Ordener douta de ses yeux et se demanda s'il n'était pas déjà dans le ciel. C'était elle, c'était son Ethel. La jeune fille était tombée dans ses bras enchaînés. Elle couvrait les mains d'Ordener de larmes, qu'essuyaient les longues tresses noires de ses cheveux épars. Baisant les fers du condamné, elle meurtrissait ses lèvres pures sur les infâmes carcans. Elle ne parlait pas, mais tout son cœur semblait prêt à s'échapper dans la première parole qui passerait à travers ses sanglots. Lui, il éprouvait la joie la plus céleste qu'il eût éprouvée depuis sa naissance. Il serrait doucement son étel sur sa poitrine. Et les forces réunies de la terre et de l'enfer n'eussent pu en ce moment dénouer les deux bras dont il l'environnait. Le sentiment de sa mort prochaine mêlait quelque chose de solennel à son ravissement, et il s'emparait de son étel comme s'il en eût déjà pris possession pour l'éternité. Il ne demanda pas à cet ange comment elle avait pu pénétrer jusqu'à lui. Elle était là. Pouvait-il penser à autre chose? D'ailleurs, il ne s'en étonnait pas. Il ne se demandait pas comment cette jeune fille proscrite, faible, isolée, avait pu, malgré les triples portes de fer et les triples rangs de soldats, ouvrir sa propre prison et celle de son amant. Cela lui semblait simple. Il portait en lui la conscience intime de ce que peut l'amour. À quoi bon se parler avec la voix quand on se peut parler avec l'âme? Pourquoi ne pas laisser les corps écouter en silence le langage mystérieux des intelligences? Tous deux se taisaient, parce qu'il y a des émotions qu'on ne saurait exprimer qu'en se taisant. Cependant, la jeune fille souleva enfin sa tête appuyée sur le cœur tumultueux du jeune homme. « Ordener, dit-elle, je viens te sauver. » Et elle prononça cette parole d'espérance avec une angoisse douloureuse. Ordener secoua la tête en souriant. « Me sauver, est-elle, tu t'abuses, la fuite est impossible. » Hélas, je le sais trop, ce château est peuplé de soldats, et toutes les portes qu'il faut traverser pour arriver ici sont gardées par des archers et des geôliers qui ne dorment pas. » Elle ajouta avec effort, « Mais je t'apporte un autre moyen de salut. » « Va, ton espérance est vaine, ne te berce pas de chimères, est-elle. Dans quelques heures, un coup de hache les dissiperait trop cruellement. » Oh, n'achève pas, Ordener, tu ne mourras pas. Oh, dérobe-moi cette affreuse pensée, ou plutôt, oui, présente-la-moi dans toute son horreur, pour me donner la force d'accomplir ton salut et mon sacrifice. » Il y avait dans l'accent de la jeune fille une expression indéfinissable. Ordener la regarda doucement. Ton sacrifice? Que veux-tu dire? Elle cacha son visage dans ses mains et sanglota en disant d'une voix inarticulée « Oh Dieu !» Cet abattement fut de courte durée. Elle se releva, ses yeux brillaient, sa bouche souriait. Elle était belle comme un ange qui remonte de l'enfer au ciel. « Écoutez, mon Ordener, votre échafaud ne s'élèvera pas. Pour que vous viviez, il suffit que vous promettiez d'épouser Ulrich d'Allefeld. » « Ulrich d'Allefeld, ce nom dans ta bouche, m'en est-elle ? » « Ne m'interrompez pas, » poursuivit-elle avec le calme d'une martyre qui subit sa dernière torture. « Je viens ici envoyée par la comtesse d'Allefeld. On vous promet d'obtenir votre grâce du roi si l'on obtient en échange votre main pour la fille du grand chancelier. » Je viens ici vous demander le serment d'épouser Ulrich et de vivre pour elle. On m'a choisi pour messagère parce qu'on a pensé que ma voix aurait quelque puissance sur vous. Est-elle, dit le condamné d'une voix glacée. « Adieu. En sortant de ce cachot, dites qu'on fasse venir le bourreau. » Elle se leva, resta un moment devant lui, debout, pâle et tremblante. Puis, ses genoux fléchirent, elle tomba à genoux sur la pierre en joignant les mains. « Que lui ai-je fait ? » murmura-t-elle d'une voix éteinte. Ordener, muet, fixait son regard sur la pierre. « Seigneur, dit-elle, se traînant à genoux jusqu'à lui, vous ne me répondez pas, vous ne voulez donc plus me parler ? Il ne me reste plus qu'à mourir. » Une larme roula dans les yeux du jeune homme. « Est-elle, vous ne m'aimez plus ?»« Oh Dieu !» s'écria la pauvre jeune fille, serrant dans ses bras les genoux du prisonnier. « Je ne l'aime plus. Tu dis que je ne t'aime plus, mon ordinaire. Est-il bien vrai que tu as pu dire cela ?»« Vous ne m'aimez plus, puisque vous me méprisez. » Il se repentit à l'instant même d'avoir prononcé cette parole cruelle, car l'accent d'Ethel fut déchirant quand elle jeta ses bras adorés autour de son cou, en criant d'une voix étouffée par les larmes. « Pardonne-moi, mon bien-aimé ordinaire, pardonne-moi comme je te pardonne. Moi, te mépriser, grand Dieu, n'es-tu pas mon bien, mon orgueil, mon idolâtrie ? Dis-moi, est-ce qu'il y avait dans mes paroles autre chose qu'un profond amour, qu'une brûlante admiration pour toi ? Hélas, ton langage sévère m'a fait bien du mal quand je venais pour te sauver, mon ordinaire adoré, en immolant tout mon être au tien. » « Eh bien, répondit le jeune homme radouci en essuyant les pleurs d'Ethel avec des baisers, n'était-ce pas me montrer peu d'estime que de me proposer de racheter ma vie par l'abandon de mon Ethel, par un lâche oubli de mes serments, par le sacrifice de mon amour ? » Il ajouta, l'œil fixé sur Ethel, « De mon amour, pour lequel je verse aujourd'hui tout mon sang. » Un long gémissement précéda la réponse d'Ethel. « Écoute-moi encore, mon ordinaire, ne m'accuse pas si vite. J'ai peut-être plus de force qu'il n'appartient d'ordinaire à une pauvre femme. Du haut de notre donjon, on voit construire dans la place d'armes l'échafaud qui t'est destiné. Ordinaire, tu ne connais pas cette affreuse douleur de voir lentement se préparer la mort de celui qui porte avec lui notre vie. La comtesse d'Alefeld, près de laquelle j'étais quand j'ai entendu prononcer ton arrêt funèbre, est venue me trouver au donjon où j'étais rentrée avec mon père. Elle m'a demandé si je voulais te sauver. Elle m'a offert cet odieux moyen. Mon ordinaire, il fallait détruire ma pauvre destinée. Renoncer à toi, te perdre pour jamais, donner à une autre cet ordinaire, toute la félicité de la délaissée est-elle, ou te livrer au supplice. On me laissait le choix entre mon malheur et ta mort. Je n'ai pas balancé. » Il baisa avec respect la main de cet ange. « Je ne balance pas non plus, Ethel. Tu ne serais pas venu m'offrir la vie avec la main d'Ulrich d'Alefeld si tu avais su comment il se fait que je meure. » « Quoi ? Quel mystère ? » « Permets-moi d'avoir un secret pour toi, mon Ethel bien-aimée. Je veux mourir sans que tu saches si tu me dois de la reconnaissance ou de la haine pour ma mort. » « Tu veux mourir ? Tu veux donc mourir ? Oh Dieu ! Et cela est vrai. Et l'échafaud se dresse en ce moment. Et aucune puissance humaine ne peut délivrer mon ordinaire qu'on va tuer. Dis-moi, jette un regard sur ton esclave, sur ta compagne, et promets-moi, bien-aimé ordinaire, de m'entendre sans colère. Es-tu bien sûr ? Réponds à ton Ethel comme à Dieu, que tu ne pourrais mener une vie heureuse auprès de cette femme, de cette Ulrich d'Alefeld ? En es-tu bien sûr, ordinaire ? Elle est peut-être, sans doute même, belle, douce, vertueuse. Elle vaut mieux que celle pour qui tu péris. Ne détourne pas la tête, cher ami, mon ordinaire. Tu es si noble et si jeune pour monter sur un échafaud. Eh bien, tu irais vivre avec elle dans quelque brillante ville où tu ne penserais plus à ce funeste donjon. Tu laisserais couler paisiblement tes jours sans t'informer de moi. J'y consens. Tu me chasserais de ton cœur, même de ton souvenir, ordinaire. Mais vis, laisse-moi ici seule, c'est à moi de mourir. Et crois-moi, quand je te saurai dans les bras d'une autre, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter de moi. Je ne souffrirai pas longtemps. » Elle s'arrêta. Sa voix se perdait dans les larmes. Cependant, on lisait dans son regard désolé le désir douloureux de remporter la victoire fatale dont elle devait mourir. Ordener lui dit « Est-elle, ne me parle plus de cela. Qu'il ne sorte en ce moment de nos bouches d'autre nom que le tien et le mien. » « Ainsi, reprit-elle, hélas, hélas, tu veux donc mourir ? » Il le faut. J'irai avec joie à l'échafaud pour toi. J'irai avec horreur à l'autel pour toute autre femme. Ne m'en parle plus. Tu m'affliges et tu m'offenses. » Elle pleurait en murmurant toujours « Il va mourir, ô Dieu, et d'une mort infâme !» Le condamné répondit avec un sourire « Crois-moi, Ethel, il y a moins de déshonneur dans ma mort que dans la vie telle que tu me la proposes. » En ce moment, son regard, se détachant de son Ethel éplorée, aperçut un vieillard, vêtu d'habits ecclésiastiques, qui se tenait debout dans l'ombre, sous la voûte basse de la porte. « Que voulez-vous » dit-il brusquement. « Seigneur, je suis venu avec l'envoyé de la comtesse d'Allefeld. Vous ne m'avez point aperçu, et j'attendais en silence que vos yeux tombassent sur moi. » En effet, Ordener n'avait vu que son Ethel, et celle-ci, voyant Ordener, avait oublié son compagnon. « Je suis, continua le vieillard, le ministre chargé... « J'entends, dit le jeune homme. « Je suis prêt. » Le ministre s'avança vers lui. « Dieu est prêt aussi à vous recevoir, mon fils. »« Seigneur ministre, reprit Ordener, votre visage ne m'est pas inconnu, je vous ai vu quelque part. » Le ministre s'inclina. « Je vous reconnais aussi, mon fils. C'était dans la tour de Vigla. Nous avons tous deux montré ce jour-là combien les paroles humaines ont peu de certitude. » Vous m'avez promis la grâce de 12 malheureux condamnés. Et moi, je n'ai point cru en votre promesse, ne pouvant deviner que vous fussiez ce que vous êtes, le fils du vice-roi. Et vous, Seigneur, qui comptiez sur votre puissance et sur votre rang, en me donnant cette assurance, Ordener acheva la pensée qu'Athanase Munder n'osait compléter. Je ne puis aujourd'hui obtenir aucune grâce, pas même la mienne. Vous avez raison, Seigneur ministre. Je respectais trop peu l'avenir. Il m'en a puni, en me montrant sa puissance, supérieure à la mienne. » Le ministre baissa la tête. « Dieu est fort, » dit-il. Puis il releva ses yeux bienveillants sur Ordener en ajoutant « Dieu est bon. » Ordener, qui paraissait préoccupé, s'écria après un court silence. « Écoutez, Seigneur ministre, je veux tenir la promesse que je vous ai faite dans la tour de Vigla. Quand je serai mort, allez trouver à Bergen mon père, le vice-roi de Norvège, et dites-lui que la dernière grâce que lui demande son fils, c'est celle de vos 12 protégés. Il vous l'accordera, j'en suis sûr. » Une larme d'attendrissement mouilla le visage vénérable d'Athanase. « Mon fils, il faut que de nobles pensées remplissent votre âme, pour savoir, dans la même heure, rejeter avec courage votre propre grâce et solliciter avec bonté celle des autres. Car j'ai entendu vos refus, et, tout en blâmant le dangereux excès d'une passion humaine, j'en ai été profondément touché. Maintenant, je me dis, unde scelus ? Comment se fait-il qu'un homme qui approche tant du vrai juste se soit souillé du crime pour lequel il est condamné ? Mon père, je ne l'ai point dit à cet ange, je ne puis vous le dire. Croyez seulement que la cause de ma condamnation n'est point un crime. Comment ? Expliquez-vous, mon fils. Ne me pressez pas, répondit le jeune homme avec fermeté. Laissez-moi emporter dans le tombeau le secret de ma mort. Ce jeune homme ne peut être coupable, murmura le ministre. Alors il tira de son sein un crucifix noir qu'il plaça sur une sorte d'autel grossièrement formé d'une dalle de granit adossée au mur humide de la prison. Près du crucifix, il posa une petite lampe de fer allumée qu'il avait apportée avec lui et une Bible ouverte. « Mon fils, priez et méditez, je reviendrai dans quelques heures. Allons, » ajouta-t-il se tournant vers Ethel, qui, pendant tout l'entretien d'Ordener et d'Athanase, avait gardé le silence du recueillement. « Il faut quitter le prisonnier. Le temps s'écoule. » Elle se leva, radieuse et tranquille. Quelque chose de divin enflammait son regard. « Seigneur ministre, je ne puis vous suivre encore. Il faut auparavant que vous ayez uni Ethel Schumacher à son époux Ordener Gundello. » Elle regarda Ordener. « Si tu étais encore puissant, libre et glorieux, mon Ordener, je pleurerais et j'éloignerais ma fatale destinée de la tienne. Mais maintenant que tu ne crains plus la contagion de mon malheur, que tu es ainsi que moi, captif, flétri, opprimé, maintenant que tu vas mourir, je viens à toi, espérant que tu daigneras du moins, Ordener, mon Seigneur, permettre à celle qui n'aurait pu être la compagne de ta vie, d'être la compagne de ta mort. Car tu m'aimes assez, n'est-il pas vrai, pour n'avoir pas douté un instant que je n'expire en même temps que toi ?» Le condamné tomba à ses pieds et baisa le bas de sa robe. « Vous, vieillard, continua-t-elle, vous allez nous tenir lieu de famille et de père. Ce cachot sera le temple, cette pierre, l'autel. Voici mon anneau. Nous sommes à genoux devant Dieu et devant vous. Bénissez-nous et lisez les paroles saintes qui vont unir Ethel Schumacher à Ordener Gundello, son seigneur. » Et ils s'étaient agenouillés ensemble devant le prêtre qui les contemplait avec un étonnement mêlé de pitié. « Comment, mes enfants, que faites-vous ? » « Mon père, dit la jeune fille, le temps presse. Dieu et la mort nous attendent. » On rencontre quelquefois dans la vie des puissances irrésistibles, des volontés auxquelles on cède soudain comme si elles avaient quelque chose de plus que les volontés humaines. Le prêtre leva les yeux en soupirant. « Que le Seigneur me pardonne si ma condescendance est coupable. Vous vous aimez. Vous n'avez plus que bien peu de temps à vous aimer sur la terre. Je ne crois pas manquer à nos saints devoirs en légitimant votre amour. » La douce et redoutable cérémonie s'accomplit. Ils se levèrent tous deux, sous la dernière bénédiction du prêtre. Ils étaient époux. Le visage du condamné brillait d'une douloureuse joie. On eût dit qu'il commençait à sentir l'amertume de la mort, à présent qu'il essayait la félicité de la vie. Les traits de sa compagne étaient sublimes de grandeur et de simplicité. Elle était encore modeste comme une jeune vierge, et déjà presque fière comme une jeune épouse. « Écoute-moi, mon Ordener, dit-elle. N'est-il pas vrai que nous sommes maintenant heureux de mourir, puisque la vie ne pouvait nous réunir ? Tu ne sais pas, ami, ce que je ferai. Je me placerai aux fenêtres du donjon de manière à te voir monter sur l'échafaud, afin que nos âmes s'envolent ensemble dans le ciel. Si j'expire avant que la hache ne tombe, je t'attendrai, car nous sommes époux, mon Ordener adoré, et ce soir, le cercueil sera notre lit nuptial. » Il la pressa sur son cœur gonflé et ne put prononcer que ces mots qui étaient l'idée de toute son existence. « Ethel, tu es donc à moi. » « Mes enfants, dit la voix attendrie de l'aumônier, dites-vous adieu, il est temps. »« Hélas !» s'écria Ethel. Toute sa force d'ange lui revint et elle se prosterna devant le condamné. « Adieu, mon Ordener bien-aimé, mon Seigneur, donnez-moi votre bénédiction. » Le prisonnier accomplit ce vœu touchant, puis il se retourna pour saluer le vénérable Athanase Munder. Le vieillard était également agenouillé devant lui. « Qu'attendez-vous, mon père ? » demanda-t-il surpris. Le vieillard le regarda d'un air humble et doux. votre bénédiction, mon fils. Que le ciel vous bénisse et appelle sur vous toutes les félicités que vos prières appellent sur vos frères les autres hommes, répondit Ordener d'un accent ému et solennel. Bientôt, la voûte sépulcrale entendit les derniers adieux et les derniers baisers. Bientôt, les durs verrous se refermèrent bruyamment, et la porte de fer sépara les deux jeunes époux, qui allaient mourir après s'être donné rendez-vous dans l'éternité. Chapitre 45. À qui me livrera Louis Pérez, mort ou vif, je lui donne 2000 écus. Calderon, Louis Pérez de Calice. Baron Wetown, colonel des arquebusiers de Munkholm, quel est celui des soldats qui ont combattu sous vos ordres au pilier noir qui a fait Andisland prisonnier? Nommez-le au tribunal, afin qu'il reçoive les 1000 écus royaux promis pour cette capture. Ainsi parle au colonel des arquebusiers le président du tribunal. Le tribunal est assemblé, car, selon l'usage ancien de Norvège, les juges qui prononcent sans appel doivent rester sur leur siège jusqu'à ce que l'arrêt qu'ils ont rendu soit exécuté. Devant eux est le géant qu'on vient de ramener, portant à son cou la corde qui doit le porter à son tour dans quelques heures. Le colonel, assis près de la table du secrétaire intime, se lève. Il salue le tribunal et l'évêque qui est remonté sur son trône. « Seigneur juge, le soldat qui a pris Andisland est dans cette enceinte. Il se nomme Thorik Belfast, second arquebusier de mon régiment. »« Qu'il vienne donc, reprend le président, recevoir la récompense promise. » Un jeune soldat en uniforme d'arquebusier de Munkholm se présente. « Vous êtes Thorik Belfast ?» demande le président. « Oui, votre grâce. »« C'est vous qui avez fait Andisland prisonnier ?»« Oui, avec l'aide de Saint-Belzébuth, s'il plaît à votre excellence. » On apporte sur le tribunal un sac pesant. Vous reconnaissez bien cet homme pour le fameux Andisland ? Ajoute le président, montrant le géant enchaîné. Je connaissais mieux le minois de la jolie Cathy que celui de Andisland, mais j'affirme, par la gloire de Saint Belphégor, que si Andisland est quelque part, c'est sous la forme de ce grand démon. Approchez, Thorik Belfast, reprit le président. Voici les 1000 écus promis par le haut syndic. Le soldat s'avançait précipitamment vers le tribunal quand une voix s'éleva dans la foule. « Arquebusier de Munkholm, ce n'est pas toi qui as pris Andisland. » « Par tous les bienheureux diables !» s'écria le soldat en se retournant. « Je n'ai en ma propriété que ma pipe et la minute où je parle. » Mais je promets de donner 10 000 écus d'or à celui qui vient de dire cela, s'il peut prouver ce qu'il a dit. » Et, croisant les deux bras, il promenait un regard assuré sur l'auditoire. « Eh bien, que celui qui vient de parler se montre donc !»« C'est moi !» dit un petit homme qui fendait la presse pour pénétrer dans l'enceinte. Ce nouveau personnage était enveloppé d'une natte de joncs et de poils de veau marin, vêtements des Groenlandais, qui tombaient autour de lui comme le toit conique d'une hutte. Sa barbe était noire et d'épais cheveux de même couleur, couvrant ses sourcils roux, cachaient son visage, dont tout ce qu'on distinguait était hideux. On ne voyait ni ses bras ni ses mains. « Ah, c'est toi ! » dit le soldat avec un éclat de rire. Et qui donc, selon toi, mon beau sire, a eu l'honneur de prendre ce diabolique géant ? Le petit homme secoua la tête et dit avec une sorte de sourire malicieux : « C'est moi. » En ce moment, le baron Wetown crut reconnaître en cet homme singulier l'être mystérieux qui lui avait donné à Skongen l'avis de l'arrivée des rebelles. Le chancelier d'Alfeld, l'hôte de la ruine d'Arbar, et le secrétaire intime, un certain paysan d'Oelmoe, qui portait une natte pareille et lui avait si bien indiqué la retraite de Handisland. Mais, séparés tous trois, ils ne purent se communiquer leur impression fugitive, que les différences de costume et de traits qu'ils remarquèrent ensuite eurent bientôt effacées. « Vraiment, c'est toi ?» répondit le soldat ironiquement. « Sans ton costume de phoque du Groenland, au regard que tu me lances, je serais tenté de reconnaître en toi un autre nain grotesque qui m'a de même cherché querelle dans le Splaggest. Il y a environ 15 jours. C'était le jour où on apporta le cadavre du mineur Gilstad. » « Gilstad ! » interrompit le petit homme en tressaillant. « Oui, Gilstad ! » affirma le soldat avec indifférence. « L'amoureux rebuté d'une fille qui était la maîtresse d'un de nos camarades, et pour laquelle il est mort comme un sot. » Le petit homme dit sourdement. « N'y avait-il pas aussi, au Splaggest, le corps d'un officier de ton régiment ?»« Précisément, je me rappellerai toute ma vie ce jour-là. J'ai oublié l'heure de la retraite dans le Splaggest, et j'ai failli être dégradé en rentrant au fort. Cet officier, c'était le capitaine Dispolsen. » À ce nom, le secrétaire intime se leva. « Ces deux individus abusent de la patience du tribunal. Nous prions le seigneur président d'abréger cet entretien inutile. » « Par l'honneur de Makati, je ne demande pas mieux, » dit Torik Belfast. « Pourvu que vos courtoisies m'adjugent les 1000 écus promis pour la tête de Han, car c'est moi qui l'ai fait prisonnier. » « Tu mens !» s'écria le petit homme. Le soldat chercha son sabre à son côté. « Tu es bien heureux, drôle, que nous soyons devant la justice, en présence de laquelle un soldat, fut-il arquebusier de Munkholm, doit se tenir désarmé comme un vieux coq. »« C'est à moi, » dit froidement le petit homme, « qu'appartient le salaire, car sans moi, on n'aurait pas la tête de Handisland. » Le soldat furieux jura que c'était lui qui avait pris Handisland, lorsque, tombé sur le champ de bataille, il commençait à rouvrir les yeux. « Eh bien, » dit son adversaire, « il se peut que ce soit toi qui l'aies pris, mais c'est moi qui l'ai terrassé. Sans moi, tu n'aurais pu l'emmener prisonnier. Donc, les 1000 écus m'appartiennent. » « Cela est faux, » répliqua le soldat. « Ce n'est pas toi qui l'as terrassé. C'est un esprit vêtu de peau de bête. » « C'est moi. » « Non, non !» Le président ordonna aux deux parties de se taire. Puis, demandant de nouveau au colonel Voetaun si c'était bien Torik Belfast qui lui avait amené Handisland prisonnier, sur la réponse affirmative, il déclara que la récompense appartenait au soldat. Le petit homme grinça des dents, et l'arquebusier étendit avidement les mains pour recevoir le sac. « Un instant !» cria le petit homme. « Sire président, cette somme, d'après l'édit du haut syndic, n'appartient qu'à celui qui livrera Handisland. » « Eh bien ?» dirent les juges. Le petit homme se tourna vers le géant. « Cet homme n'est pas Handisland. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Le président et le secrétaire intime s'agitaient sur leur siège. « Non !» répéta avec force le petit homme. « L'argent n'appartient pas à l'arquebusier maudit de Munkholm, car cet homme n'est point Handisland. » « Halbardier, » dit le président, « qu'on emmène ce furieux, il a perdu la raison. » L'évêque éleva la voix. « Me permette le respectable président de lui faire observer qu'on peut, en refusant d'entendre cet homme, briser la planche du salut sous les pieds du condamné ici présent. » « Je demande au contraire que la confrontation continue. »« Révérend évêque, le tribunal va vous satisfaire, » répondit le président. Et s'adressant au géant, « Vous avez déclaré être Handisland. Confirmez-vous devant la mort votre déclaration ?» Le condamné répondit, « Je la confirme, je suis Handisland. » « Vous entendez, seigneur évêque ?» Le petit homme criait en même temps que le président. « Tu mens, montagnard de colle, tu mens. Ne t'obstine pas à porter un nom qui t'écrase. Souviens-toi qu'il t'a déjà été funeste. Je suis An, de Klipstadur, en Islande, répéta le géant, l'œil fixé sur le secrétaire intime. Le petit homme s'approcha du soldat de Munkholm, qui, comme l'auditoire, observait cette scène avec curiosité. Montagnard de col, on dit que en Islande boit du sang humain. Si tu l'es, bois-en. En voici. Et à peine ces paroles étaient-elles prononcées, qu'écartant son manteau de natte, il avait plongé un poignard dans le cœur de l'arquebusier et jeté le cadavre aux pieds du géant. Un cri d'effroi et d'horreur s'éleva. Les soldats qui gardaient le géant reculèrent. Le petit homme, prompt comme le tonnerre, s'élança sur le montagnard découvert, et d'un nouveau coup de poignard, il le fit tomber sur le corps du soldat. Alors, dépouillant sa natte de jonc, sa fausse chevelure et sa barbe noire, il dévoila ses membres nerveux, hideusement revêtus de peau de bête, et un visage qui répandit plus d'horreur encore parmi les assistants que le poignard sanglant dont il élevait le fer dégoûtant de deux meurtres. Hé, juge, où est en Islande? Garde, qu'on saisisse ce monstre! Cria le président épouvanté. An jeta dans la salle son poignard. Il m'est inutile s'il n'y a plus ici de soldats de Munkholm. En parlant ainsi, il se livra sans résistance aux hallebardiers et aux archers qui l'entouraient, se préparant à l'assiéger comme une ville. On enchaîna le monstre sur le banc des accusés, et une litière emporta ses deux victimes, dont l'une, le montagnard, respirait encore. Il est impossible de peindre les divers mouvements de terreur, d'étonnement et d'indignation qui, pendant cette scène horrible, avaient agité le peuple, les gardes et les juges. Quand le brigand eut pris place, calme et impassible, sur le banc fatal, le sentiment de la curiosité imposa silence à toute autre impression, et l'attention rétablit la tranquillité. L'évêque vénérable se leva. « Seigneur juge, » dit-il. Le brigand l'interrompit. « Évêque de Drontheim, je suis An d'Islande. Ne prends pas la peine de me défendre. » Le secrétaire intime se leva. « Noble président !» Le monstre lui coupa la parole. « Secrétaire intime, je suis An d'Islande. Ne prends pas le soin de m'accuser. » Alors, les pieds dans le sang, il promena son œil farouche et hardi sur le tribunal, les archers et la foule, et l'on eût dit que tous ces hommes palpitaient d'épouvante sous le regard de cet homme désarmé, seul et enchaîné. « Écoutez, juge, n'attendez pas de moi de longues paroles. Je suis le démon de Klipstadur. Ma mère est cette vieille Islande, l'île des volcans. Elle ne formait autrefois qu'une montagne, mais elle a été écrasée par la main d'un géant qui s'appuya sur sa cime en tombant du ciel. Je n'ai pas besoin de vous parler de moi. Je suis le descendant d'Ingolf l'exterminateur, et je porte en moi son esprit. J'ai commis plus de meurtres et allumé plus d'incendies que vous n'avez à vous tous prononcer d'arrêts iniques dans votre vie. J'ai des secrets communs avec le chancelier d'Alefeld. Je boirai tout le sang qui coule dans vos veines avec délice. Ma nature est de haïr les hommes. Ma mission, de leur nuire. Colonel des arquebusiers de Munkholm, c'est moi qui t'ai donné avis du passage des mineurs au pilier noir, certain que tu tuerais un grand nombre d'hommes dans ces gorges. C'est moi qui ai écrasé un bataillon de ton régiment avec des quartiers de rochers. Je vengeais mon fils. Maintenant, juge, mon fils est mort. Je viens ici chercher la mort. L'âme d'Ingolf me pèse parce que je la porte seule et que je ne pourrai la transmettre à aucun héritier. Je suis là de la vie, puisqu'elle ne peut plus être l'exemple et la leçon d'un successeur. J'ai assez bu de sang, je n'ai plus soif. À présent, me voici. Vous pouvez boire le mien. Il se tut. Et toutes les voix répétèrent sourdement chacune de ces effroyables paroles. L'évêque lui dit « Mon fils, dans quelle intention avez-vous donc commis tant de crimes ?» Le brigand se mit à rire. Ma foi, je te jure, révérend évêque, que ce n'était pas, comme ton confrère l'évêque de Borglum, dans l'intention de m'enrichir. Footnote. Quelques chroniqueurs affirment qu'en 1525, un évêque de Borglum se rendit fameux par divers brigandages. Il soudoyait des pirates, disent-ils, qui infestaient les côtes de Norvège. Quelque chose était en moi qui me poussait. Dieu ne réside pas toujours dans tous ses ministres, répondit humblement le saint vieillard. Vous voulez m'insulter, je voudrais pouvoir vous défendre. Ta révérence perd son temps. Va demander à ton autre confrère, l'évêque de Skalholt, en Islande. Par un golf, ce sera une chose étrange que deux évêques aient pris soin de ma vie. L'un près de mon berceau, l'autre près de mon sépulcre. Évêque, tu es un vieux fou. Mon fils, croyez-vous en Dieu? Pourquoi non? Je veux qu'il soit un Dieu pour pouvoir blasphémer. Arrêtez, malheureux, vous allez mourir, et vous ne baisez pas les pieds du Christ. Andisland haussa les épaules. Si je le faisais, ce serait à la manière du gendarme de Rolle, qui fit tomber le roi en lui baisant le pied. L'évêque se rassit, profondément ému. Allons, juge, poursuivit Andisland. Qu'attendez-vous? Si j'avais été à votre place et vous à la mienne, je ne vous aurais point fait attendre si longtemps votre arrêt de mort. Le tribunal se retira. Après une courte délibération, il rentra dans l'audience et le président lut à haute voix une sentence qui, selon les formules, condamnait Andisland à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuivît. Voilà qui est bien, dit le brigand. Chancelier d'Alefeld, j'en sais assez sur ton compte pour t'en faire obtenir autant. Mais vis, puisque tu fais du mal aux hommes. Allons, je suis sûr maintenant de ne point aller dans le Nistième. Footnote. Selon les croyances populaires, le Nistième était l'enfer de ceux qui mouraient de maladie ou de vieillesse. Le secrétaire intime ordonna au garde qui l'emmenait de le déposer dans le donjon du lion de Schleswig pendant qu'on lui préparerait un cachot, pour y attendre son exécution, dans le quartier des arquebusiers de Munkholm. Dans le quartier des arquebusiers de Munkholm, répéta le monstre avec un grondement de joie.